Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie française sympathique. Romaine a 30 ans. Justin, son copain, décide de l'emmener à Noël dans le Grand Nord québécois pour y mener une nouvelle vie. Mais au-dessus de l'Atlantique, Romaine apprend que l'avion va s'écraser et ne veut pas mourir sans avoir avoué à Justin une vérité qu'elle lui a toujours cachée. Cependant, rien ne va se passer comme prévu. T'en veux combien, les enfants, Romaine? Moi, j'en veux 4 tout seul. Ça va où, elle? La fille en parka rouge et en robe de mariée, c'est moi. Je m'appelle Romaine, j'ai 30 ans et je suis mariée depuis 4h27 minutes et 10 secondes. C'est super important comme moment dans ma vie, ça. À un mec que je connais même pas. Vous pensez que je suis folle, c'est ça? Je l'aurais pas dit comme ça, là, mais la même femme avec d'autres mots. Et encore, ça sert à rien. Je pense que je commence à dilater sérieux, là. Je vais avoir besoin de toi pour aller à Montréal. Mais qui, là-bas? Il y a mon fiancé. Tu diras à ton fiancé que maintenant t'es mariée, il va comprendre. Ça, c'est pas sûr, parce que côté révélation, Justin, je l'ai pas loupé. Ouais, et ben moi, je l'emmerde, ta mère. Et son fils qui se prend pour son père avec... Justin, tu m'as jamais fait jouir. En 3 ans, je t'ai jamais fait jouir. Non, pas une fois. C'est comme ça que je me suis retrouvée plantée à 10 000 km de la France, sans mec, sans argent, sans billet d'avion. Je suis mariée avec un chauffeur de taxi. J'en ai marre de tomber sur les tarés! Heureusement, il y a des copines. Ah, elle est où la française? Regarde, je te laisse l'eau dans le bain. Faut que je prenne 2 bains chauds par jour pour mes hémorroïdes. Mais je vais peut-être prendre une douche. Romaine, par moins 30. Une comédie d'Agnès Obadia avec Sandrine Kiberlin et Pascal Elbé, un DVD UGC.